Chapitre 245. Évoquer Allah Ta'ala, zikr, debout, assis, couché, en état d'impureté mineure et majeure, janaba, et pendant les monstrues. Mais il est interdit de réciter le Coran en état d'impureté majeure ou de monstrue. Allah Ta'ala dit: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, évoquent Allah. Sourate 3, versets 190 et 191. 1444. Selon Aisha, radiallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, évoquait Allah Ta'ala à tout moment. Muslim. 1445. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: « Si, avant d'avoir des rapports avec sa femme, l'un d'entre vous dit « Au nom d'Allah, ô Allah, éloigne Satan de nous et éloigne-le de ce que tu nous accorderas. Bismillah, Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana. » Et s'il leur est destiné d'avoir un enfant de cette relation, alors Satan ne pourra pas lui nuire. » Al-Bukhari et Muslim. 1446.